lay bon lipton amon na fi danan ki ben gaane la won quoi gaane bu nobe ben way dafa endowe quoi ben jour mu jëndal ben gelam bi alliance ben genre alliance bi nice yoy non mais conquérir laaju ko tay bi quoi lay nak mu ron ko dem offrir gelam bi mu dem ci keur gel bi quoi ñew nuyu fekk pa bi tok lal pianam di lire journal fekk pa bi numu toge nonu ci côté bi juste le femme bi fimu dëkk quoi ci côté pa bi fimu tok non rek mu salam alaykum wa fat ndoy la don ta pa bi xol ko ci patu tuti rek nak fat ndoy mu ci bir neeg rek gaam bi dem dugg ça va chérie comment tu vas bien cool tere surprise la andi lon quoi rek bëb nek lepp pa bi mu ngi dëkk quoi rek nak lan am way lan man lan nga wëndil tay mu nak tay de li la andel xamu ndax dina mu won ko jaaru bi quoi rek mu nak mais est ce que dina dugg li rek boy nak ah dina dugg kay rek gaam bi ne no xaaral ka ñu essay xol tam rek mu nak mi rek mu nak aya gel mu nak aya ya may gañ de mu nak xaar poussel tout rek poussel mi ko pousse tout rek poussel xaar leg dina dugg yep papa ñi deg rek mu nek am nga sabu rek pa bi tepp doy dafa teuf rek dug ci neeg bu nekkal lan xawma dina dug way bu ko fi dugale ma dugal ko ci sa uy.